Venez le voir en ce piteux arroi. Il sent venir la Camarde à grands pas. Vous qui n'avez jamais eu d'autre roi que cet argent qui vous brûle les doigts. Ne manquez pas trop ton monde des arrois. Bientôt peut-être vous en serez là. Priez la reine, implorez la pour moi. Bousculez-vous, criez tous à la fois. J'ai la dent creusée, je suis sans abois. Laisserez-vous là le pauvre maquis. Bon, alors pas plus de 5 minutes. Oh, 5 minutes, qu'est-ce que vous chantez là avec vos 5 minutes, ça ne dira rien. Il s'agit d'un adieu pour l'éternité. Dans ces circonstances, mari et femme ont des choses éminemment importantes à se dire. Où est-il? Vous voyez pas? Ah si, bien sûr. Merci beaucoup. Polly? Oui, Maquis, me voilà. Oui, bien sûr. Comment vas-tu, Maquis? Es-tu très abattu? Oh, ça doit être dur. Oh. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Qu'est-ce que tu vas devenir, au juste? L'affaire marche très bien. J'aurais au moins ça. Très nerveux? Que faisait au juste ton père? Tu ne m'en as jamais parlé. Pourtant, tu as toujours été en très bonne santé. Polly, tu ne pourrais pas m'aider à sortir d'ici. Oh, si, bien sûr. Il faudrait de l'argent, j'en ai parlé au gardien. Tout l'argent est à la banque, Mac. Et tu n'en as pas sur toi? Non, je n'ai rien sur moi. Oh, mais vois-tu, je pourrais peut-être en parler à quelqu'un. Je pourrais peut-être demander une audience à la reine en personne. Alors, ces asperges, elles sont tendres. Ouais. Bonne chance, Maquis. Porte-toi bien et ne m'oublie pas. Ah, Smith, alors que veut-il? Vous avez bien fait de m'attendre pour la table, nous allons la lui porter ensemble, afin qu'il voit bien quels sont nos vrais sentiments. Je t'ai apporté tes asperges. J'en mangerai bien quelques-unes. Ne vous donnez pas tant de peine, Monsieur Brown. D'autres me rendront les derniers le voir. Oh, Mac. Je voudrais voir nos comptes. Vous permettrez que je mange pour l'instant. Après tout, c'est mon dernier repas, n'est-ce pas? Bon appétit. Ah, Mac, tes paroles me brûlent le cœur comme un fer rouge. Mais les comptes, monsieur, les comptes, pas de sentimentalité. Oui, mais je les ai portés. Voici les comptes du dernier semestre. Ah, vous n'êtes venu que pour récupérer votre argent. Oh, Mac, comment peux-tu imaginer une chose pareille? Ah, mais je te comprends très bien. Il ne faut pas que vous en soyez de votre poche, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que je vous dois? Par contre, je vous demanderai un petit compte détaillé. La vie m'a appris à être méfiant. Vous êtes très bien placé pour me comprendre. Oh, Mac, quand je t'entends parler comme ça, je perds la tête, moi. Les comptes, Brown! Oh, si tu y tiens. Alors, premièrement, il y a les primes versées pour l'arrestation des assassins dénoncés, soit par toi, soit par quelqu'un des tiens qui a reçu du gouvernement. Pour toi, t'es à 40 livres, ça fait 120 livres. 25% pour vous, 30 livres que nous vous devons. Oui, c'est exact, oui. Je ne sais vraiment pas si on s'est. Oui, allez pas te faire attendre, tu 30 livres. Et pour l'affaire de Douvres, 8 livres. Alors, comment ça, 8 livres? Tu m'avais pas demandé. Vous ne me croyez pas! Vous recevrez donc pour le dernier semestre la somme de 38 livres. Je dis bien 38! Bon! Oh! Toute une vie, jolie s'énoncée. On s'est comme dans un miroir, oui, 5 ans aux Indes, 3 ans à Londres. J'en étais dans le coup, j'y mettais de la fête. Hein. Et voilà tout le remerciement. Si Pan Maquis, qui ne gênait personne, un faux ami sans âme l'a vendu au bout d'une corde de plusieurs zones, sans cour, sans ce que pèse son cul. Mac. Mac, si tu le prends sur ce ton. Qui s'en prend à mon honneur, s'en prend à ma personne. Mon honneur! Oui, mon honneur, oui! Parfaitement! Mais... Monsieur Smith, commencez tout de suite, faites rentrer tout le monde. Excuse-moi, Mac. Maintenant, je peux pas vous dire mais dans une minute, il sera trop tard. Vous avez l'argent? Oui, si les glas sont arrivés. On n'en voit pas la trace. Bon, allez, liquidez. On n'a pas pu passer à cause de la foule. On a tellement couru que j'ai cru que Jacob allait prendre un coup de sang, hein? Si vous ne le croyez pas... Mais disent les gens, est-ce qu'ils ont de bonne place? Et voyez-vous, capitaine, nous pensions que vous nous comprendriez. Un couronnement, ça se produit pas tous les jours. Les gens gagnent leur vie comme ils peuvent. Ils vous envoient leurs salutations. Les plus cordiales. Je suis son beau-père. Je vous demande pardon, messieurs. Et qui de vous est monsieur Mathis? Mathis. Le destin, monsieur Mathis, a voulu que vous deveniez mon gendre sans que j'aie le plaisir de vous connaître. Les circonstances dans lesquelles je vous rencontre pour la première fois sont bien tristes. Monsieur Mathis, autrefois vous aviez des gants de chevreau glacés blancs, une canne à pommeau d'ivoire, une cicatrice au cou, et vous fréquentiez l'hôtel de la pieuvre. Cette cicatrice, vous l'avez toujours, c'est d'ailleurs de vos signes particuliers celui qui a le moins de valeur. Mais vous ne fréquentez plus que des cellules aux solides barreaux, et dans un très proche avenir, vous ne fréquenterez plus rien du tout. Oh, la jolie robe que tu as! Monsieur Mathis, qui l'eût dit il y a une semaine quand nous allions faire un petit pas de danse à l'hôtel de la pieuvre? Eh oui, un petit pas de danse! Que voulez-vous? Le chemin de la vie est semé de ronces. Et dire que nous avons combattu ensemble au coude à coude dans l'Azerbaïdjan, je me mitraille. Oh, Mathis, dans le quartier, nous sommes dans tous nos états. Il n'y aura pas un chat au couronnement, tout le monde veut te voir. Mais voir. Et en route maintenant, les six heures. Polly et Lucie, assistez votre mari à ces derniers instants. Mesdames, quoi qu'il puisse passer entre nous,